derrière Bebel, derrière Bourville, dans les 4L et Sim Camille, c'est moi. Celui qui courait sur la plage, mais qu'ils ont coupé au montage, c'est moi. Devant mon temps, devant Miu Miu, juste devant mes très très flous, c'est moi. Celui qui danse avec Marceau, pas le grand brun, le blond de dos, c'est moi, le figurant. Derrière Gabin, derrière Blié, tous les larbins qu'on a sonnés, c'est moi. Derrière Poiret, derrière Serrault, quand ils étaient troisième couteau, c'est moi. Après les gens de toute l'équipe, le grand absent du générique, c'est moi, c'est moi, le figurant, le figurant, celui qui rêve d'une réplique, comme d'autres rêvent de l'Amérique, celui qui prend la ligne 6 tous les jours. Entre 5 et 6, celui qui rêve d'une réplique, comme d'autres rêvent de l'Amérique, celui qui passe à bicyclette, celui qui fume sa cigarette. Derrière Lino, derrière Lindon, qui court après François Pignon, c'est moi. Derrière Stallone, derrière Bruce Lee, les types qui zonent dans les tueries, c'est moi. Derrière Balou, derrière Mowgli, le singe qui joue de la batterie, c'est moi. C'est moi, le figurant, le figurant. Celui qui rêve d'une réplique, comme d'autres rêvent de l'Amérique. Celui qui gèle pendant des heures, en attendant qu'on dise moteur. Celui qui regarde l'Atlantique, juste à la proue du Titanic. Celui qui rêve de quelques lignes, même si elles doivent le rendre indigne. C'est moi. Le soldat inconnu qui tombe quand Ryan passe entre les bombes, c'est moi. Celui qui dans Paris brûle-t-il, saute d'un camion et qu'on fusille, c'est moi. Le figurant.